J'ai pas le temps de discuter. Je dois éteindre ce feu. Ce feu pourrait détruire la ville si je n'agis pas rapidement. La ville brûle, mais je n'arrive pas à oublier ma faim. Je crains que certains de ces bâtiments à demi occupés ne prennent feu. Il nous faudrait plus de travailleurs. Les dieux peuvent nous châtier si nous ne les respectons pas assez. Encore une magnifique journée de pêche. J'espère que la prise sera aussi bonne que l'habitude.